À l'occasion du 85e anniversaire de la fondation de l'héroïque armée populaire de Corée, le journal Dodon Simun a inséré le 25 courant un éditorial titré « L'armée populaire de Corée fera briller toujours la tradition glorieuse de l'armée de défense à outrance des leaders et du parti révolutionnaire ».